Aujourd'hui, beaucoup de croyants prennent les pourceaux pour des prophètes et les prophètes pour des pourceaux. Il faut du discernement. Il faut craindre l'asservissement mental et l'esclavage de nos âmes et en même temps être l'ami de nos propres âmes en adoptant un esprit enseignable. Alors, pour aider au discernement de toutes ces choses, j'ai décidé de faire le message suivant. Certains hommes et certaines femmes aujourd'hui sont de véritables arches de l'Alliance dans leur Église. La gloire de Dieu les accompagne. Ils sont de véritables bénédictions au sein des gens qui les entourent. La gloire qui repose sur le prophète repose sur tous ceux qui sont autour de lui. Ils sont un peu comme les Hébreux, là, en 1 Corinthiens 10:2, qui étaient baptisés en Moïse, dit l'Écriture, et en son ministère, c'est-à-dire rendus participants à la bénédiction spirituelle de son onction. Se faire l'ennemi d'un vrai prophète est la chose la plus stupide qu'un chrétien puisse faire durant sa vie. Se ranger en bataille contre eux, ce serait comme donner un coup de pied dans l'arche d'alliance, comprenez-vous? Que ces chrétiens ne s'imaginent pas qu'ils descendront en paix dans le séjour des morts. La seconde chose la plus stupide, c'est de se mettre à croire aveuglément en un prophète qui n'en est pas un. Je vais donc commencer par parler des vrais prophètes. Avant tout, le prophète est un planteur, un édificateur. Jérémie 1:10 dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Il serait bien pauvre, en effet, le prophète qui ne saurait remplacer ce qu'il a arraché par quelque chose de meilleur. Il doit arracher les plantes bâtardes et les arbres à épines et ne pas oublier de planter des arbres à fruits à la place. C'est la marque du vrai prophète. Il apporte beaucoup de corrections, mais aussi beaucoup d'édification. Celui qui ne fait que critiquer sans apporter solution n'a pas été envoyé par Dieu, mais il est parti sans ordre pour diviser et pour nuire. Le vrai prophète unit le peuple de Dieu et resserre les liens de l'Église en la consolant, en l'exhortant et en la fortifiant. En Actes 15, 31-32, après avoir lu la lettre, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. 1 Corinthiens 14:3, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. C'est ça le travail d'un prophète aussi. Une prophétie, c'est une parole inspirée servant à l'édification, à l'exhortation et à la consolation. Ce qu'on y ajoute vient de l'homme ou du malin. Le véritable don d'exhortation donne la capacité de produire de la grâce chez les auditeurs. Exhorter, c'est aider les gens à marcher avec Dieu, non seulement les critiquer parce qu'ils marchent mal. Une bonne exhortation produit un empressement, un désir de marcher dans les voies de Dieu avec plus de fidélité et à y trouver du plaisir. L'exhortation s'adresse toujours à la bonne volonté et la fortifie par le Saint-Esprit. Les paroles d'un prophète font l'effet d'une eau fraîche. Je vous souhaite un vrai prophète dans chacune de vos églises. Le vrai prophète ne fait pas seulement nous montrer la direction à suivre, mais nous donne également d'en aimer le chemin. Également, le prophète est inspiré à nous donner en même temps une poussée dans la bonne direction, comme le vent dans la voile d'un bateau. Une véritable exhortation va produire un empressement, une hâte, un désir ardent. Elle crée la bonne volonté ou elle fortifie celle qui existe déjà. Elle donne un élan, elle porte en avant et donne envie de courir dans la voie de ses commandements. Elle remplit le cœur de bonnes résolutions et affermit celles que l'on a déjà prises. La parole d'un vrai prophète donne la vie à ce qui était mort et fortifie ce qui était faible. La parole du prophète, propre juste, humilie, affaiblit et donne la mort. Son ministère empire les choses. Comme l'arbre de vie qui va servir à la guérison des nations, la langue du prophète sert aujourd'hui à la guérison de l'Église. Dans notre siècle-là, où la dureté du monde a envahi l'Église, le prophète est un vrai miracle. L'Église a désespérément besoin de prophètes qui sachent fortifier les faibles, relever les esprits abattus, consoler ceux qui pleurent et prier avec ceux qui n'en ont plus la force. L'Église n'a pas besoin d'un autre Terminator, mais de prophètes bienfaisants qui arrosent les âmes de leurs bonnes paroles. Bon, c'était le premier aspect du ministère de prophète. Le point numéro 2, c'est que le prophète est un correcteur. L'Église prêche la repentance du péché au monde, mais elle-même ne veut souvent pas se repentir des siens. Dieu envoie des évangélistes dans le monde pour sauver le monde, et il envoie des prophètes à l'Église pour sauver l'Église, en la sanctifiant. Les prophètes sont des évangélistes en quelque sorte, mais envoyés à l'Église pour la corriger puis l'empêcher de faire naufrage, si possible. Les évangélistes sont les semeurs, et les prophètes sont en quelque sorte les gardiens du champ. Ils entrent dans le travail des évangélistes et cultivent ce qui a été semé. Mais dans tous les cas, là, un vrai prophète se rectifie lui-même autant qu'il rectifie les autres. En Apocalypse 11:3, on en a un exemple. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. » Voyez-vous, les prophètes étaient revêtus de sacs, prêchant la repentance aux autres, mais revêtus du sac de la repentance eux-mêmes. Le prophète vrai n'est jamais un propre juste. Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, a écrit « Veillez et ne vous lassez pas de reprendre et de corriger, car ce qui est retranché repousse, les ennemis chassés reviennent, ce qui paraît éteint se rallume, ce qui est assoupi se réveille. C'est peu de chose d'avoir corrigé une fois, deux fois. Il faut tailler et couper tous les jours, et si votre surveillance est exacte, elle trouvera toujours de quoi retrancher. » Fin de citation. Un pasteur qui refuse l'aide d'un prophète dans son église se tire lui-même dans le pied. Il se retrouve un jour avec une église où il y a plus d'ivraies que de blé. Le prophète arrache l'ivraie et le pasteur, lui, s'occupe du blé. Le prophète purifie le champ et rend le travail du pasteur 100 fois plus facile ensuite. Je dois ajouter que, oui, un prophète blesse quelquefois. Jésus a blessé beaucoup de dirigeants. Mais à l'exemple de notre Seigneur, un vrai prophète blesse la chair seulement, afin de favoriser la libération de la vie de l'esprit. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice. Hébreux 12:11. Les exemples sont légion dans les Écritures. Un prophète, c'est la verge de Dieu, sur le dos rebelle de l'Église. Il châtie par les corrections de sa bouche, et il sanctifie par des avertissements. Le jugement appartient au prophète et la vengeance au Seigneur s'ils ne sont pas écoutés. Les chiens de garde aboient pour nous avertir d'un danger. C'est exactement ce que les vrais prophètes font. Le prophète est un identificateur de contrefaçon. Il écrase la tête des serpents pour protéger les enfants dans la maison. Alors le prophète n'est pas l'ennemi de l'Église. Il n'est pas l'ennemi du pasteur. Le diable nous attriste pour nous détruire. Le prophète, lui, nous attriste pour que nous participions davantage à la nature du Seigneur. Selon qu'il est écrit, « Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. 2 Corinthiens 9:10. Celui qui te blesse avec douceur pour te sanctifier est ton meilleur ami, pas ton ennemi. Celui qui te blesse avec douceur pour t'amener à plus de ressemblance avec Christ est une grâce que Dieu t'envoie. Le prophète ne souligne pas l'erreur pour le plaisir, mais pour soulager ceux qui ont été blessés par elle et pour protéger ceux qui l'ont pas encore été. Et étrangement, le diable cherche également à encourager ceux qui mériteraient d'être réprimandés. Mais le prophète, c'est l'œil de Dieu dans l'Église aussi. Il empêche les gens de se séduire eux-mêmes et de séduire les autres. Le vrai prophète va regarder avec discernement, analyser la situation de façon sensée et intervenir avec justice. Là où le pasteur n'a peut-être pas l'autorité de caractère nécessaire pour le faire ou le discernement, le prophète peut lui apporter une aide considérable. L'intégrité de dénoncer ce qui doit l'être est la marque au front d'un vrai prophète. Mieux vaut un prophète qu'un menteur. Michael Card a écrit « Le vrai prophète n'est pas tellement celui qui va prédire l'avenir, mais celui qui va parler pour changer le présent. » Le prophète là, n'a rien à voir avec un devin. Le prophète est avant tout un interprète du présent. Ce qui m'amène à un aspect très crucial de ce ministère-là, le ou les prophètes sont tenus personnellement responsables des égarements de leur Église. On tient souvent les pasteurs responsables des dérives que prennent leurs églises. Mais ils ne le sont pas tout le temps responsables. Ils n'ont souvent pas le discernement nécessaire de par le Seigneur pour voir les choses arriver, ou ils n'ont pas la force de caractère pour les empêcher, ou ils se sont involontairement séduits eux-mêmes par certains courants et ils dérivent eux-mêmes avec la tendance qui emporte tout le monde finalement. Quand le Seigneur, en Apocalypse chapitre 2 et 3, demande à Jean d'écrire à l'ange de l'Église des sept Églises d'Asie, il s'adressait plus précisément au collège des prophètes de cette Église. Il ne s'agit pas des pasteurs ici. C'est sur eux, sur les prophètes, que retombait la responsabilité d'ouvrir la bouche pour avertir, pour prévenir ou pour corriger les égarements. C'est leur travail, c'était leur responsabilité. Dieu ne pardonnera pas aux prophètes qui gardent le silence devant les égarements de son Église. Dieu gardera sa colère contre le prophète qui garde le silence. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne déclare rien. Proverbe 29-24. Alors, un vrai prophète, c'est un poteau de signalisation sur le côté de la route. Il avertit de prendre garde à une dérive prochaine. Il avertit des égarements pour prévenir un châtiment de Dieu éventuel, parce que Dieu tire vengeance des erreurs de leadership causées par la négligence. Le salaire de la négligence, c'est un châtiment proportionné du Seigneur. Le prophète est un correcteur d'égarements et un avertisseur de châtiment en salaire à cet égarement. En tout et partout, il existe pour pointer le danger à venir et en détourner l'Église si possible. Les personnes remplies du Saint-Esprit n'ont aucune difficulté à trancher entre la lumière et les ténèbres, comme on le voit là. Le prophète, c'est un empêcheur de tourner en rond. Avec un prophète, aux côtés d'un pasteur, une Église grandit, puis elle grandit sainement et heureusement. Le véritable avancement spirituel d'une Église dépend de sa capacité à s'ajuster à la volonté de Dieu. Le mouvement ou l'Église qui rejette la correction de ses prophètes perdra la présence et la puissance de l'Esprit et rétrogradera certainement. C'est pourquoi les véritables prophètes cherchent sans cesse à corriger. S'ils ne sont pas reçus, cette Église diminuera et sa force spirituelle s'éteindra. Puis si le pasteur n'est pas remplacé par un meilleur, elle finira par fermer ses portes simplement. C'est ce qu'on voit se répéter sans cesse depuis 2000 ans. Le vrai prophète ne se glorifie pas. Personne ne se glorifie de ce qui cause quotidiennement sa perte ou sa douleur. Les vrais prophètes sont les balayeurs dans l'Église, puis malheureusement aussi les balayures. Mais celui qui touche à la réputation d'un prophète touche sa propre gorge avec un couteau. Il est écrit « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Psaume 105-15. Toucher un prophète, c'est attaquer sa réputation avec la langue. Le salaire du prophète, c'est la mort. Là où la loi ne le permet pas, il reste le meurtre social, sous la forme de l'assassinat de la réputation. Le pauvre prophète, il y a toujours une partie de lui-même qui vit, puis qui meurt seul. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit », a écrit David. Tout ça parce qu'avec le message qu'il porte, le prophète se frappe souvent lui-même sur la bouche. Il trouble sa propre vie. Parce qu'il y a toujours des représailles contre lui, les choses n'en restent pas là souvent. Un prophète, c'est un oiseau de mauvais augure pour ceux qui ont le front dur, mais sacrifier sa vie à reprendre les égarements de son Église fait de lui un sacrificateur aux yeux du Seigneur. Il n'offre pas des agneaux, mais c'est lui-même qu'il sacrifie sur l'autel de son ministère. Il sacrifie souvent sa propre santé morale. Après ce que je viens de dire, y en a-t-il encore qui veulent être prophètes? Si quelqu'un désire être prophète, qu'il prépare son âme à la tristesse. Tout prophète, dans son état normal, va détester son ministère. Les prophètes de l'Ancien Testament ont pratiquement tous demandé la mort à un moment ou à un autre. C'est un ministère très, très lourd moralement. Il n'y a jamais eu de prophète qui se soit fait remercier. Hein? Alors, si vous aspirez à ce ministère pour la gratification de votre ego, vous allez faire une douloureuse découverte, là. Je vous conseille de changer de choix de carrière. J'ai reçu un don dans ma vie, personnellement, que j'ai jamais voulu avoir, pourtant, que j'ai jamais demandé, qui est celui de jeter de la lumière là où on n'en veut pas. J'ai essayé des dizaines de fois d'échapper à ce devoir, puis j'en suis incapable. Le Seigneur me ramène toujours, comme avec un anneau dans le nez. J'ai réalisé depuis longtemps que je n'avais aucun pouvoir là-dessus. Beaucoup de prophètes sombrent en dépression à force d'être rejetés. Le prophète qui n'est pas écouté croit souvent avoir failli à sa mission, ce qui n'est pas le cas du tout, hein. C'est plutôt la norme. Le prophète doit comprendre qu'il n'a pas pour mission de changer les choses, mais simplement de montrer la direction du changement. Il n'a pas mission de changer l'Église, mais seulement de la corriger et de l'avertir, et de laisser le changement entre ses mains. Les réformes de l'Église sont les problèmes du Seigneur et du pasteur, pas celui du prophète. Beaucoup de prophètes prennent la chose comme un échec à leur ministère, mais ne devraient pas. Dieu n'envoie pas le prophète pour être reçu, mais seulement pour livrer un message. C'est un facteur, c'est tout. Dieu n'envoie pas le prophète en mission pour réussir, mais pour servir de témoignage. Non pour empêcher la déchéance, mais simplement la ralentir. Non pour éviter le châtiment, mais le retarder. La plupart, écoutez-moi bien, la plupart du temps, là, la présence d'un prophète dans une église, c'est déjà le signe qu'il est trop tard. Dieu n'envoie pas le prophète pour éteindre le feu dans l'église, mais pour sauver les meubles. Le prophète n'est pas toujours du côté du pasteur, mais il est toujours du côté de l'église. Autant qu'il est possible, il faut toujours être du côté du pasteur. Mais il faut toujours être du côté de l'église quand l'église est opprimée par lui. Faites certain que votre fidélité soit bien ordonnée. Ne donnez pas au pasteur la fidélité que vous devez d'abord au Seigneur, mais ne nuisez pas au ministère de pasteur non plus, car celui qui nuit au ministère d'un pasteur nuit à toute l'Église. Et Dieu tirera vengeance de vous, prophète ou pas, selon qu'il est écrit, « Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Autant que cela dépende de lui, le vrai prophète va être le meilleur ami du pasteur, car ils construisent la même Église. Dieu a donné ses ministères à l'Église, alors ils coulent dans la même direction, là. Dans le plan de Dieu, ce ne sont pas des ministères qui sont en opposition, mais au contraire qui travaillent dans le même but, là. Un vrai prophète protège le pasteur, l'appuie et le fortifie. Il n'est jamais en rivalité d'autorité avec lui. Il le considère comme digne de tout honneur et respecte son ministère. Ils se servent l'un l'autre. En notre siècle où la dureté du monde a envahi l'Église, la douceur de cœur d'un vrai pasteur, c'est un vrai miracle aussi. Selon la chair, le pasteur et le prophète ont le potentiel d'être des ennemis irréductibles. Mais dans le Seigneur, ils ont la capacité de former une équipe extraordinaire. Le prophète est avant tout un aide pour le pasteur. Et de même, un pasteur peut beaucoup aider un prophète. C'est comme dans une famille, la maman est trop douce puis le père est trop sévère. Bon, ils s'apportent un équilibre l'un l'autre. Même chose pour le pasteur et le prophète. Dans le plan de Dieu, ces deux ministères se complètent magnifiquement. Le prophète et le pasteur ne sont pas là pour lutter l'un contre l'autre, mais pour se compléter et être les gardiens l'un de l'autre. Pasteurs et prophètes sont aujourd'hui souvent des ministères ennemis. Mais au commencement, dans l'Église primitive, il n'en était pas ainsi. Puis quand il est dit en Malachie 4, 5, 6, écoutez-moi bien, « Dans les derniers jours, je vous enverrai Élie, et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » L'esprit d'Élie, c'est un esprit de réconciliation entre le clergé et la laïcité, entre les jeunes prophètes et les vieux pasteurs. Au fond, ces deux ministères ont désespérément besoin l'un de l'autre. Malheureusement, il y a souvent entre eux une inimitié qui vient de la chair. Le prophète voudrait que le pasteur mange les miettes qui tombent en dessous de sa table, et le prophète, de même, voudrait que le pasteur mange les miettes qui tombent en dessous de sa table. Revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres, de peur que vous ne soyez détruits les uns par les autres. L'humilité est certainement le plus grand besoin de tous les ministères entre eux. Sans humilité, il n'y a pas d'accord entre les ministères. Sans humilité, ils vont tourner l'épée les uns contre les autres, et c'est un désastre dans les églises. Le pasteur a charge d'église d'une façon, et le prophète a charge d'église d'une autre façon. Rien ne les oblige à être ennemis. Le pasteur prodigue l'affection à l'église, la douceur, la tendresse d'une mère, tandis que le prophète lui donne des corrections et des directions, et les directions d'un père. L'un n'est pas ennemi de l'autre, forcément. Le pasteur n'est pas l'autorité finale de l'Église, ni le prophète à sa place non plus. Ce sont deux ministères qui doivent tenir compte l'un de l'autre et travailler ensemble pour le bien de l'Église. Les péchés les plus graves sont ceux que l'on commet contre le corps de Christ. Sentinelle ou pas, prophète ou pas, Dieu punit sévèrement les orgueilleux et tous ceux qui s'attaquent à l'unité du corps de Christ. Witness Lee, qui était le compagnon d'armes de Watchman Nee, a écrit « Toutes les fois que je parle aux dirigeants concernant l'Église d'une façon qui n'est pas positive, j'éprouve des regrets plus tard. Ainsi, je peux témoigner par expérience qu'il est très délicat de parler de l'Église. Laissons le ministère de la correction à ceux qui aiment l'Église comme eux-mêmes. » Fin de citation. Alors que le prophète ne dise rien par esprit de rivalité envers le pasteur, il est écrit « Un peu de levain fait lever toute la pâte » Galates 5.9. En d'autres mots, un peu de rancune, un peu d'orgueil, un peu de rivalité va gâcher tout un ministère complet. Les vrais prophètes ont également le devoir de s'attaquer aux jeunes prophètes qui manquent de discernement, qui s'attaquent à l'Église et qui arrachent plus qu'ils ne plantent. Ne permettez jamais à une quelconque tête forte de torturer un pasteur par excès de zèle. Ayez du discernement. Donnez au pasteur ce qui appartient au pasteur, à l'Église ce qui appartient à l'Église. Rendez à la chair ce qui appartient à la chair, c'est-à-dire châtiez le zèle amer. Modérez et pondérez les bravades des jeunes sentinelles qui se pensent en droit de dire n'importe quoi à n'importe qui. Je voudrais toucher un aspect du ministère de prophète qui est la sainteté sexuelle. La preuve du prophète, c'est sa vie excellemment sainte ou ses combats extraordinaires pour l'atteindre. 1 Thessaloniciens 4, 2 à 7 dit « Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » La sanctification prend souvent le sens de pureté sexuelle dans la Bible. Très, très souvent. Être un saint, c'est imiter Jésus dans sa chasteté. Dans les limites de notre état, évidemment, quand on est marié, c'est un peu différent, mais tous sont appelés à se garder eux-mêmes des débordements. Celui qui ne mortifie pas ses yeux n'est pas un vrai homme de Dieu. Qui ne sanctifie pas ses regards n'est saint à aucun égard. C'est par la vue que le péché entre dans le cœur. Frères et sœurs, lorsque nous marchons dans la rue et que nous voyons une tentation, regardons par terre. Ce sera un sacrifice saint et d'agréable odeur au Seigneur. Dieu sait récompenser les actes de mortification comme ça, pour l'amour de la sainteté, par des sentiments de grâce qui submergent l'âme, et aussi en donnant plus d'onction à votre ministère. C'est par les petites victoires gagnées une à une comme ça que la sainteté devient une habitude. Suivons avec nos yeux des voies droites, afin que l'Esprit Saint se plaise en notre compagnie, car il est si facile de l'attrister et de le chasser. Jacques Bénigne Bossuet, au XVIIe siècle, a écrit « Aimons la chasteté plus que toutes les autres vertus, c'est elle qui rend le cœur pur. » Alors, plus un saint prophète est rejeté par les hommes, plus il est approuvé de Dieu. Plus un saint prophète est humilié par les hommes, plus Dieu prendra sa défense. Plus le prophète est saint, plus il a d'autorité dans le royaume de Dieu, et plus Dieu lui donne d'autorité sur la terre. Mais pour que le prophète bénéficie réellement de cette approbation et de cette faveur de Dieu, il doit être absolument saint. Paul a écrit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » 1 Corinthiens 9:27. Insulter une personne qui a le ministère de vous corriger et de vous guider dans une voie plus parfaite, c'est comme frapper Dieu sur la bouche. Choisissez n'importe quel péché plutôt que de commettre celui de persécuter un vrai prophète dans votre Église, parce que vous allez vous mettre le Seigneur à dos, puis vous voulez pas ça, croyez-moi sur parole. Point numéro 3. Les prophètes de gloire personnelle. Ça, il y en a un sacré paquet. Si quelques-uns ont reçu des anges sans le savoir, dit l'Écriture, d'autres adulent et admirent des démons sans le savoir également. Les démons d'orgueil sont nombreux à accompagner les grands ministères. Grégoire le Grand a écrit « L'antique ennemi commence par inspecter la complexion de chacun, puis il tend ses filets pour la tentation. Il propose la volupté aux gens de mœurs joyeuses, il tend la coupe de l'envie à ceux qui ont l'humeur triste, il inspire des terreurs aux peureux, il entraîne les orgueilleux par l'appât des honneurs. » Fin de citation. Alors, que croyez-vous que l'ennemi propose au prophète pour le perdre? La gloire personnelle. Mais s'il y a beaucoup d'exemples à ne pas suivre, l'Écriture nous montre beaucoup de bons exemples à suivre. Le premier qui me vient à l'esprit se trouve en Exode 34, 29, 35, où il est écrit « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage. Moïse a caché son visage par humilité. Aujourd'hui, un évangéliste qui aurait la chance de faire filmer son visage durant une pareille visite du Seigneur, là, ferait immédiatement distribuer le film sur YouTube et sur tous les sites sociaux du monde entier pour promouvoir son ministère. Mais le vrai prophète est imprégné d'humilité à l'intérieur et veut le paraître à l'extérieur également. Il faut imiter Moïse, frères et sœurs, dans son humilité. Il faut se garder de faire du spectacle avec le miraculeux et de faire du miraculeux un spectacle. Il faut quelquefois se cacher pour que Dieu soit vu. Fernand Fortin a écrit « L'âme qui s'est imprégnée d'humilité possède la garantie de son union à Dieu. » Il faut cacher sa gloire pour que celle de Dieu soit vue. Autre chose maintenant, le faux prophète aime le bruit, aime se faire remarquer et il a peu ou pas du tout de vie intérieure. David Macaire a écrit « Le silence est une belle éducation à l'humilité. » Bossuet, à son tour, a écrit « Que j'aime le silence. » Que j'en aime l'humilité, la tranquillité, le sérieux, le recueillement, la douceur, qu'il est propre à attirer Dieu dans une âme et à y faire durer sa sainte et douce présence. Ce sont des choses qui ne sont plus enseignées aujourd'hui. Ce genre de spiritualité a totalement disparu. Le silence creuse quelque chose en nous. C'est comme le jeûne, hein? Le jeûne fait prendre conscience de beaucoup de réalités spirituelles qui nous échappaient en temps ordinaire. Alors il faut baisser la voix pour entendre celle de Dieu. Un jour, le Seigneur a dit à Vasula Reden, « Dis-leur que tous ceux qui aiment élever leur voix n'entendront pas la mienne. » Le vrai prophète aime à vivre caché, mais le faux prophète adore la publicité. Ne sont pas prophètes tous ceux qui s'en vantent, frères et sœurs, mais la grande bouche d'un orgueilleux l'emporte sur le bon sens d'un grand nombre. La marque des faux prophètes a toujours été de se prêter à eux-mêmes beaucoup d'autorité afin d'entraîner le plus de gens possible à les suivre. Depuis que les 12 apôtres sont morts, jusqu'à la Jérusalem céleste, comme nous le voyons en Apocalypse 21-14, aura 12 fondements sur lesquels sera inscrit les dons des 12 apôtres. Pas 13, pas 25, pas 250 apôtres, pas 250 000, comme on le voit aujourd'hui, mais 12 et c'est tout. Tous ceux qui se sont appelés apôtres après eux n'en ont pas été. En ce qui concerne le Seigneur, il n'y a jamais eu d'autres apôtres que les 12. Paul était un apôtre au sens large, au sens de missionnaire, mandaté par le Seigneur, mais certainement pas un apôtre au sens strict du terme, comme ministère, comme l'étaient les 12. Depuis leur mort, c'est un ministère qui n'existe plus. C'est comme Moïse, il n'y en a eu qu'un seul. Alors je vous le dis là, solennellement, aujourd'hui, tous ceux qui se font appeler apôtres sont des menteurs qui se font de la publicité à leur ministère. C'est du marketing. En Apocalypse 2:2, il est dit « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Alors, ces ouvriers-là avaient une vision pour le moins exagérée de la dimension réelle de leur personne et de l'importance de leur ministère, comme ceux d'aujourd'hui. Soit les gens se mettent à idolâtrer de tels hommes, ou soit ils se mettent à se soumettre jusqu'à l'asservissement, ce qui est un désastre pour la vie spirituelle. Une telle déformation de ministère doit être rapidement et sévèrement réprimandée. Tous ceux qui se font appeler apôtres aujourd'hui, frères et sœurs, sont des brigands et des mercenaires qui se font un nom pour accéder plus facilement à votre portefeuille. Engeance de vipères, descendance du serpent, serviteurs de mammon, amis de l'argent, race de profiteurs qui dévorez les maisons des pauvres, malheur à vous, car le jour du Seigneur arrive pour vous rendre selon vos œuvres. Parole du Seigneur. Bref, un prophète, c'est pas celui qui s'en convainc lui-même ou celui qui en convainc les autres, mais celui qui en est investi de l'onction par le Seigneur. Une journée où l'on ne s'humilie pas devant le Seigneur est une journée où l'on n'a pas avancé dans le chemin du Seigneur et où nous sommes même sortis de l'esprit chrétien. Le prophète est celui qui s'humilie devant Dieu plus que toutes les autres. Il se sent très souvent inapte. Mais mieux vaut un prophète qui se sent inapte qu'un inapte qui s'appelle lui-même prophète. L'orgueil chez un prophète répugne le Seigneur autant que l'ivrognerie et la propre justice le répugne autant que la sorcellerie. Mais l'orgueilleux n'aime surtout pas se faire déranger dans son orgueil, c'est la colère assurée. Ça, c'est la marque de commerce du faux prophète. Reprenez-le, il va se mettre dans une colère. Le faux prophète n'aime pas les gens. Il n'aime que la gloire que le nom de prophète lui procure au milieu d'eux. Mais le vrai prophète n'aspire pas à ce qui est élevé, mais se laisse attirer par ce qui est humble. Beaucoup aiment refléter d'être prophète. Je dis, quelle blague, quelle blague. Hélène Vasseau, une sentinelle du Seigneur, a dit, « J'ai dit au Seigneur, protège-moi de moi-même. Je veille beaucoup sur mon âme concernant mon appel. Je sais qu'il y a le danger de se croire au-dessus de la mêlée. » Alors un vrai prophète ne cherche pas à le paraître, il laisse simplement la conviction de l'esprit faire ce qu'il veut dans les cœurs. S'il paraît prophète à certains cœurs, il s'en réjouit pour le bien des gens qui reçoivent son bon message. S'il ne le paraît aux yeux de personne, il se réjouit de ce que le Seigneur l'humilie et le protège de l'orgueil. L'honneur d'être prophète, là, il vaut mieux laisser Dieu nous la donner à sa manière, c'est tout, et en son temps. S'appeler soi-même apôtre ou prophète, c'est un charlatanisme qui est devenu très très populaire chez les pasteurs congolais présentement. Les prophètes ne jouent pas aux prophètes. Ils demeurent humblement et simplement eux-mêmes. C'est la nudité du prophète qui émeut les cœurs et permet au Seigneur de parler aux auditeurs. Hélène Vasseau a encore dit « Nous devons refléter Christ et non refléter d'être un prophète en tant que tel. » Jésus était prophète sans faire le prophète. Jésus guérissait sans faire le guérisseur. Très belle réflexion. Ce ne sont pas tous ceux qui portent un vêtement de poil de chameau qui sont prophètes. L'habit ne fait pas le prophète. Les cheveux coiffés par en arrière et la longue barbe ne fait pas le prophète non plus, mais souligne le ridicule de la chose, c'est tout. Parmi le peuple de Dieu, l'orgueil ne doit se trouver nulle part, sinon tout ce que nous ferons sera souillé. La gloire de Dieu est imprégnée d'humilité et l'humilité est imprégnée de la gloire de Dieu. Quand un prophète ou un pasteur arrive dans une nouvelle église, avant toute chose, il doit prier en disant « Mon Dieu, donne-moi des pieds à laver, des planchers à essuyer, des choses que personne ne veut faire dans l'église, des fenêtres à nettoyer, des balais à passer puis des toilettes à récurer. Ceci pour qu'en toute chose, il veille à conserver l'humilité dans son caractère et l'authenticité de son ministère. » Thomas Merken, au XIVe siècle, a écrit « La paix véritable est le calme d'une conscience pure. Elle consiste à retrancher les désirs et non pas à les satisfaire. Est-il un lieu caché, un emploi obscur, une place, un rang méprisable aux yeux du monde? La paix est là, surtout. Plus le cœur s'humilie, plus elle est douce et profonde. Que pourrait troubler celui qui ne souhaite rien? » Alors, les bas emplois comme ça constitue une base solide à tout ministère. Point numéro 4, maintenant, les visions à scandale. Colossiens 2,18 « Qu'aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » De tout temps, il y a eu des prophètes qui ont décidé de se croire plus spirituels que tout le monde puis de se séparer de l'Église pour se suivre eux-mêmes et leur propre vision. Ils créent des divisions dans les Églises, ils fondent des sectes autour d'eux et des disciples après eux. Acte 20-30. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Une autre traduction, la parole vivante, a rendu des hommes qui essaieront de se faire des disciples personnels. On voit la dérive, là. Thérèse d'Avila, au XVIe siècle, a écrit « Il est clair que l'extrême perfection ne se trouve pas dans les délices intérieurs, ni dans les grandes extases, ni dans les visions, ni dans l'esprit de prophétie, mais dans une conformité de notre volonté avec celle de Dieu. Vouloir fermement tout ce qu'il veut, prenant les choses amères aussi joyeusement que les choses viles. » Fin de citation. Voilà où se trouve la vraie spiritualité, mes amis. Beaucoup de ceux qui se disent prophètes et que vous craignez ne possèdent même pas d'autorité spirituelle réelle. Comment discerner le faux prophète? Car même les faux prophètes peuvent avoir des vraies visions de temps à autre. Alors comment les discerner? Simplement en leur enfonçant un thermomètre dans l'orgueil. Tout esprit qui réagit avec colère devant la correction ne procède pas de Dieu. L'orgueil peut s'emparer d'un vrai prophète jusqu'à le faire devenir un faux sous plusieurs rapports. En fait, quand je parle de vrai puis du faux prophète, je les sépare pour mieux les cibler là, et les définir, mais dans la pratique, le prophète est souvent dans un mélange de vrai et de faux en des mesures différentes. C'est ce qui crée de la confusion chez les chrétiens, là. Il y a un homme qui s'élève comme ça, là. Puis il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, c'est un vrai, celui-là ». D'autres disent « Oh non, c'est un faux ». Qui a raison? Tous les deux raison, la plupart du temps. Il y a des mélanges qui se font. Quelqu'un peut avoir été appelé vraiment au ministère de prophète, mais il est tellement charnel qu'il gâche tout. Alors, il y a la moitié de son ministère qui est charnel, même des quelquefois diaboliques, Et il y a une autre partie de son ministère qui est de Dieu. Il faut beaucoup de discernement aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas sanctifiés. Thérèse de Villa a encore écrit « Ce sont les plus humbles d'entre vous qui sont les plus parfaits, non point les privilégiés de l'extase et des visions. » Écoutez bien, c'est une catholique qui a dit ça, là. Elle avait déjà compris ça, elle. Alors, honte à nous, là. Honte à nous. Mes amis, les visions et les révélations ne sont pas de la spiritualité. Attention au péché de présomption. En Ecclésiastique 34, 7, il est écrit « Les songes en ont fait errer plusieurs et ont fait périr ceux qui espéraient en eux. » La définition du dictionnaire du mot « présomption » est la suivante. Présumer de ses forces et se surestimer, et surestimer ses capacités. Ne faisons pas l'erreur de confondre les visites du Seigneur et le Seigneur de la visite. Les grâces que nous recevons ne sont pas des signes d'approbation que Dieu nous rend, mais un signe d'amour que Dieu rend aux gens autour de notre ministère. Jean-Nicolas Gros, au XVIIIe siècle, a écrit « Vous ne serez suffisamment en garde contre les faux prophètes qu'autant que vous serez en garde contre vous-même. Le plus redoutable des faux prophètes est au-dedans de vous, c'est l'amour-propre, le premier et le plus dangereux de tous les séducteurs. Ce n'est que par lui que les faux prophètes du dehors peuvent réussir à vous séduire. » Fin de citation. Jérémie 23, 25, 28. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Beaucoup de prophètes n'usent pas suffisamment de discernement dans leur vision, ne savent pas faire le tri. Alors, il nous appartient d'avoir du discernement envers eux. Point numéro 5. Les prophètes du bonheur et les faiseurs de promesses. On arrive à une autre catégorie très, très répandue sur Facebook. J'avoue que c'est un sujet délicat parce que beaucoup de ces gens-là agissent pas par méchanceté ou par désir de tromper. Ils ne font souvent qu'imiter ce qu'ils ont déjà vu et entendu chez d'autres. N'en demeure pas moins que ce sont des pratiques condamnables parce qu'elles font du mal au peuple de Dieu. Dieu s'amuse à faire mentir l'orgueil. Sur un mur, l'un de ces fameux prophètes écrivait « Je le déclare, c'est une semaine de miracles. Dis Amen et saisis-le. » Bon, apparemment, on avait juste à saisir notre miracle par la foi en écrivant « Amen ». Puis le tour était joué. Notre miracle était en route d'une manière assurée. Frères et sœurs, j'ai fait le commentaire suivant au bas de ce post. Si c'est une semaine de miracles, les témoignages de réception de miracles vont affluer sur ta page la semaine prochaine, frère, mais sinon, auras-tu l'honnêteté de revenir dire sur ton mur que tu t'es trompé et avouer que c'est par présomption que tu as parlé et fait des promesses à la place de Dieu? Savez-vous ce qui est arrivé? Les gens se sont moqués de moi et de mon manque de foi. OK? Le dimanche d'après, hein, une semaine, comme une semaine de miracles, alors le dimanche d'ensuite, moi, j'ai voulu voir sur son mur pour voir tous ces miracles. Mais on m'avait bloqué. Est-ce qu'Élie a bloqué les prophètes de Baal pour ne pas qu'ils voient le feu de Dieu descendre sur l'autel? J'y retourne avec un autre compte pour voir les miracles. Mais comme vous le devinez, ne s'était rien produit du tout dans la vie de personne. Beaucoup comme ça se donnent des airs de prophètes pour la gloire personnelle qu'ils en tirent, mais leurs prédictions ne s'accomplissent jamais. Ils induisent le peuple en de faux espoirs et ne s'en repentent jamais. Il faut arrêter là, avec ces fausses prophéties du bonheur. Là. Ça devient vraiment pernicieux et scandaleux pour la foi de beaucoup de jeunes chrétiens. Les gens y croient là, à ces promesses-là, puis ensuite ils ne reçoivent pas. Alors, ils sombrent dans une sorte de culpabilité morbide. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils se sentent rejetés par Dieu parce que leur foi est pas à la hauteur, ou je sais pas quoi encore, là. Mais le faux prophète, lui, il souffre pas du tout, là, de faire du mal aux gens comme ça. Il est très content de lui-même, au contraire, parce qu'il a été glorifié par un grand nombre de personnes, puis il a tellement aimé ça qu'il va recommencer plus tard. Tant et aussi longtemps que les gens vont nourrir son égo, il va recommencer. Frères et sœurs, nous sommes en un siècle où les chrétiens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables comme ça. Ne suivons pas ce courant. En finale, ce genre de prophète mène toujours au découragement, car un espoir différé rend le cœur malade de l'Écriture. Ils font des tas de promesses à la place de Dieu, puis à chaque fois, tout le monde dit « Amen » comme des idiots, puis personne ne reçoit jamais rien. Le faux prophète ne se repent jamais, parce que s'il avouait s'être trompé, il ne pourrait plus jamais prétendre au titre de prophète et jouir de cette notoriété. Ces prophètes se nourrissent et se repaissent de votre admiration et de vos « Amen » et de vos gloires à Dieu, qu'ils interprètent comme « Gloire à moi ». Sur cette page-là, dont le type dont je vous parle, il y a eu 34 « Amen ». Ok. Si ces 34 « Amen » supposément veulent dire 34 miracles, puis que rien n'arrive, ça voudra dire quoi? Que Dieu est malade? Qu'il est parti en vacances? Que Dieu dort? Ou que Dieu n'est pas fidèle à sa parole? Ou que votre foi est trop faible? Non, simplement, ça voudra dire qu'il s'agissait d'un faux prophète et d'une fausse prophétie. Ne vous culpabilisez pas. Deutéronome 18, 20, 22, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Jérémie 48, 30. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours. Jérémie 49, 16. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré. Jérémie 6, 14, 15. Ils seront confus, car ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Psaume 119, 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tout ce qui se passe aujourd'hui a été prophétisé par Paul depuis très très longtemps. En 2 Timothée 4, 3, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Comme Israël est lentement tombé dans l'apostasie après la mort de Moïse, l'Église allait sombrer dans l'apostasie après la mort des apôtres. Ces prophètes de bénédiction sont hyper bien accueillis parce qu'ils dégagent le chrétien de la responsabilité de porter sa croix et du devoir d'y faire mourir leur chair sous toutes ses formes. Ils font croire que par la foi, le chrétien peut sortir de tous les mauvais pas. La prédication de la croix est très désagréable à entendre pour le chrétien qui n'a pas l'amour de la ressemblance au Seigneur et qui passe son temps à essayer d'échapper à la réalité de ses épreuves. L'Esprit Saint nous a été donné pour nous sanctifier, pas pour nous faire flotter au-dessus de la réalité et nous bercer d'illusion en illusion. Il faut confronter ces faux prophètes comme Élie a confronté les prophètes de Baal. Ces gens-là qui font des promesses comme ça en l'air à la place de Dieu là, ne sont que des nuisances à l'Église. Jérémie 23, 31 dit « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. » Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Vous tordez les paroles du Dieu vivant. Alors, c'est quand même très sérieux, là. Une autre prophétesse de Facebook a dit sur son mur, et ça, c'est le joyau du bouquet, « Je déclare, pas je vous souhaite, je déclare que l'année 2015 pour vous est une année remplie de bonheur, de joie, de paix, de grâce, d'amour, de succès, de prospérité, de promotion, de consolation, d'autorité, de facilité, de réussite, d'excellence, de miracle, de victoire, de stabilité, de grandeur, de différence, de sanctification, de surprise agréable, de tranquillité, de grande opportunité, de fécondité, de mariage et de bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow! Ai-je besoin de dire, frères et sœurs, qu'il s'est abattu un fleuve de Amen sur son mur, là, et de gloire à Dieu, là? Ai-je besoin de vous dire que cette personne a atteint la limite permise d'amis sur Facebook? Les prophètes de bonheur sont extrêmement populaires. Et moi, je regarde l'année 2015, là, puis je la trouve pareille comme les autres, là. Pareil, pareil, là. On comprend, là, que de vivre dans notre monde, c'est loin d'être facile. Et que le chrétien recherche partout de l'espoir de changement. Mais le temps perdu à chercher à échapper à la réalité nous empêche de grandir en spiritualité. Beaucoup de prophètes, là, entre guillemets, vous prédisent un avenir magnifique comme ça. Mais des années plus tard, il vous reste que votre cœur brisé et qu'une blessure permanente, fruit amer de la désillusion. Le vrai prophète, lui, ne vous mentira jamais. Il vous dira peut-être même quelquefois des paroles qui vont vous blesser sur le moment, mais après quelque temps, vous allez découvrir que de votre blessure a germé de bons fruits. Encore une fois, je le dis, attention à ces prophètes de bonheur. Beaucoup ont été amèrement déçus et désillusionnés par eux. C'est pas ça le christianisme. C'est pas ça le christianisme. Beaucoup sont devenus amers contre Dieu en voyant que les promesses ne s'accomplissaient jamais. Certains sont même retournés dans le monde, croyant que Dieu les avait trompés. J'en ai connu là, personnellement des gens comme ça. C'est pas en vain que le Seigneur dit, en Deutéronome 18:10, qu'on ne trouve chez toi personne qui dise la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Un autre de ces prophètes sur Facebook a écrit « Un ange marche de ville en ville et de porte en porte pour déposer le succès, le bonheur et la santé pour l'année 2015 et toucher les cœurs pour les rendre purs. Il vient de partir de chez moi et m'a demandé où il devait se rendre par la suite. Je lui ai indiqué ton domicile. » Encore une fois, frères et sœurs, waouh, de chez waouh. Quelle bêtise! Une bêtise n'en attend pas une autre. Les prophètes de n'importe quoi, c'est pas ce qui manque dans les églises puis les réseaux sociaux. Frères et sœurs, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Revenez vous asseoir au pied de l'Évangile. Et n'ayez de prophète que le Christ seul. Venez entendre de sa bouche, de ses lèvres, ce qu'est le vrai christianisme, ce qu'est le vrai Évangile. Mon point numéro 6, ce qui ressemble à l'autre un peu, c'est les prophètes de grandes choses. Par définition, c'est quelqu'un qui annonce de grands mouvements de l'esprit, de grands réveils, mais qui n'arrive pas. C'est quelqu'un qui te prophétise de grandes choses puissantes dans ta vie quelque part dans le futur. Hein? Les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre, Proverbe 17:24. On se met à attendre puis à attendre pendant des années que la grande chose arrive, que le grand ministère, que la grande porte s'ouvre pour un grand ministère, et on ne fait plus rien en attendant. Hein? On s'assoit sur notre cul la plupart du temps. On essaie de sonder l'avenir, puis d'attendre que Dieu nous ouvre des portes miraculeuses un jour. J'ai été comme ça moi-même, à perdre de nombreuses années. Mais la sagesse est en face de l'homme intelligent. Le sage a ses yeux à la tête, dit l'Écriture. N'importe qui peut prophétiser de grandes choses sur vous. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'audace et très peu de conscience. Mais être cause de la désillusion des chrétiens est parmi les plus graves péchés qu'une personne puisse commettre contre l'Église. Moi aussi, j'ai connu ça. Après plusieurs années, j'ai été désillusionné. Je suis tombé en dépression, puis je me suis demandé où j'avais failli au Seigneur. J'avais pas failli en rien. Le Seigneur non plus ne m'avait pas failli. Pourquoi prophétisez-vous de grandes choses aux gens sinon pour nourrir votre ego? Pourquoi prophétiser de grandes choses aux gens et les laisser y aspirer vainement pendant des années? Croyez-vous leur faire du bien, là? Vraiment? L'Écriture dit que la volonté de Dieu pour le chrétien consiste simplement à regarder autour de lui chaque jour et de faire les petites choses qui se présentent à lui. Simplement ça. Dieu donne réellement une raison de vivre à ceux qui n'en avaient pas, et ce n'est pas en perdant les années en attendant des ouvertures miraculeuses, mais en ayant les yeux ouverts aux petites choses qui se présentent à nous et autour de nous un jour à la fois, selon qu'il est écrit, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. La traduction Montgomery a traduit « et en faire une quotidienne façon de vivre ». Traduction Knox « en faire l'emploi de nos vies ». Je le répète, tous ces diseurs de bonne aventure sont de faux prophètes qui vous distraient de vivre l'Évangile au quotidien et vous préparent de douloureuses désillusions. J'admets que beaucoup agissent comme ça par ignorance et ne font qu'imiter ce qu'ils ont vu faire chez d'autres, mais le résultat est le même, là. Ça demeure quelque chose de très, très grave qu'il ne faut pas reproduire. Maintenant, encore un autre groupe, les réclameurs de promesses. Plusieurs essaient de rappeler au Seigneur ses promesses comme pour le forcer à mettre la Bible en pratique. Hein? Mais apprenons ceci, les promesses de Dieu demeurent toujours des grâces, jamais des obligations. Dieu demeure toujours et en tout temps libre de refuser une promesse, tout comme il est libre de répondre ou non à une prière. Regarder une promesse comme un dû, c'est l'annuler. Si l'on ne peut pas changer la couleur d'un seul de nos cheveux, pourquoi croyons-nous pouvoir faire changer la volonté de Dieu ou faire changer Dieu d'idée? Il y a deux attitudes possibles dans la prière. La première, c'est celle qui est issue d'un cœur humble et amoureux de Dieu. La deuxième est orgueilleuse et à l'exemple d'un enfant gâté. La présomption est appelée de la foi. C'est le genre de prière où de grandes revendications pompeuses, hein, on rappelle au Seigneur ses promesses et nous le sommons d'agir en conséquence. Plusieurs pensent qu'il s'agit là de foi, mais c'est de l'arrogance, purement et simplement. Le père Cossette, au 19e siècle, a écrit dans son livre « Le bon sens de la foi ». Il est de la nature de Dieu d'apparaître sur la terre à la prière de l'amour, non aux sommations de l'orgueil. De la même manière, le Dieu s'amuse à faire mentir les grandes prophéties de la présomption et punir de son silence les grandes réclamations de l'orgueilleux. La grande bouche ferait mieux de se rappeler de ses propres devoirs envers Dieu, au lieu de rappeler à Dieu ses promesses envers lui. Prendre autorité contre le diable, c'est biblique. Mais prendre autorité sur Dieu, ça ne l'est pas. Le Seigneur se rit des orgueilleux qui lui réclament ses promesses et qui refusent de porter leur croix. Quelquefois, Dieu veut qu'on prenne autorité pour changer les circonstances. Quelquefois, Dieu veut que les circonstances prennent autorité sur nous pour nous changer. Réfléchissez à ça. Mon point numéro 7. Les prophètes lanceurs d'éclairs. Beaucoup aiment faire les sévères, à parler avec dureté tout le temps. Je ne sais pas où ils sont allés chercher qu'un prophète est supposé lancer des éclairs pour vivre, mais ils semblent croire y trouver beaucoup de plaisir à ensanglanter les oreilles de tout le monde tout le temps. Le ministère de prophète n'est pas le ministère d'humilier les gens. L'âme d'un vrai prophète est saine. Elle éprouve toujours de la douleur à faire des réprimandes personnelles. Les corrections font toujours mal à celui qui les fait selon Dieu. Un prophète orgueilleux est 100 fois pire qu'un mauvais pasteur, mes amis, et peut devenir le pire dictateur de brebis. J'ajouterai à ça que même un vrai prophète peut être emporté par l'orgueil et devenir le pire despote spirituel dans une église. Ils ne sont plus des prophètes du Seigneur, mais des vrais prophètes de Jupiter, là. Chez les Romains, Jupiter était le dieu du ciel, de la terre et de la foudre. La description qu'on en faisait était la suivante. Jupiter tenait toujours le plus haut rang parmi les dieux, tel l'aigle qui plane en haut des cieux et fond comme la foudre sur sa proie. Mais ceux qui auront brandi l'épée de la parole contre leurs frères sur la terre seront réprimandés horriblement par l'épée de sa bouche à son retour. Jésus arrachera le faux manteau de tous ces prophètes de destruction et exposera leur nudité spirituelle publiquement. Ceux qui auront refusé d'exercer la miséricorde envers leurs frères sur la terre porteront leur opprobre devant tout le ciel un jour. En Jérémie 23:34, il est écrit « Le prophète, le sacrificateur, ou celui du peuple, qui dira « Menace de l'Éternel, je le châtirai, lui et sa maison. Vous ne direz plus « Menace de l'Éternel », car la parole de chacun sera pour lui une menace. Aussi, en psaume 109:17, il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Alors vous qui avez une verge dans la bouche, là, gare à votre bouche un jour. Ils sont rares, les prophètes qui pleurent pour l'Église comme Jérémie a pleuré pour Israël. C'est plutôt la race de Jonas là, qui nous a envahis puis qui prédomine principalement dans les Églises aujourd'hui. Jonas, le prophète, n'aimait pas les gens. Dieu a dû l'envoyer de force pour exercer un ministère de miséricorde envers Ninive. C'est dommage parce que maintenant il est connu comme l'un des prophètes les plus désexemples de la Bible. Le prophète doit aspirer à avoir un cœur de pasteur aussi. La responsabilité d'un pasteur envers les chrétiens dont il a la charge est très semblable à la responsabilité d'un médecin envers ses malades. Et un bon prophète doit aussi posséder un cœur de pasteur, sinon il peut devenir un véritable boucher. Les prophètes qui parlent durement à tout le monde ont tous un rendez-vous avec la verge du Seigneur un jour. Les faux prophètes veulent que nous ajoutions foi à tout ce qu'ils disent sans poser de questions. Ils ont le culot de condamner les quelques dogmes de l'Église catholique, alors que ces hypocrites ne font que ça, dogmatiser tout ce qui sort de leur bouche. C'est l'orgueil qui rend les gens sévères et durs. Puis au contraire, l'absence d'orgueil rend sensible aux autres. C'est le rôle d'un prophète de Dieu de corriger, de reprendre, de censurer. Mais s'il montre trop de rudesse, il sera appelé un méchant serviteur. Matthieu 24:48. Si c'est un méchant serviteur qui se met à battre ses compagnons, le maître de ce serviteur viendra, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Comme Pierre croyait bien faire avec son épée en tranchant l'oreille de Malchus, certaines personnes croient avoir reçu de Dieu la même épée. Et résultat, ils ont derrière eux un grand panier rempli d'oreilles qu'ils ont coupées dans leur fureur, qu'ils ont coupées un peu partout, puis que les pauvres pasteurs doivent recoller derrière eux. Pauvre Seigneur, il n'en finit pas de les suivre puis de ramasser les oreilles que ces orgueilleux coupent à tout le monde. Écoutez-moi bien, les prophètes, les pseudo-prophètes, vous ne serez pas récompensés pour votre sévérité, vous en serez punis. Ésaïe 50:11. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Finalement, mon point 8, les prophètes de division. Pour ce faire, je vais donner un exemple tiré de l'histoire de l'Église. Je parlerai du montanisme. Montanus, c'est un ministre de l'Évangile dans l'Église qui était à Rome. Ça se passe durant les années 160. Après Jésus-Christ. Alors c'est très très tôt dans l'histoire de l'Église. Montanus décide de former une Église séparée de l'Église de Rome. Il affirmait être une incarnation vivante du Paraclet. Il prêche de ne plus fonder de famille, de ne plus se marier, de ne plus rien faire de terrestre, car le Christ revient. Il préconise un ascétisme exagéré. Durant les réunions, il y a des spasmes prophétiques extravagants, des extases insolites, etc. Toutes sortes de manifestations dites spirituelles. Un certain dictionnaire biblique en fait la description suivante. Écoutez bien ça. Mouvement spirituel, prophétique et eschatologique qui apparaît en Phrygie au milieu du IIe siècle. Un certain Montanus, néophyte, se prétend l'organe du Paraclet, sinon le Paraclet lui-même. Il annonce un nouvel âge de l'Église. L'âge de l'esprit et l'imminence de la fin des temps. La Jérusalem nouvelle doit descendre du ciel près de la ville de Péruse, en Phrygie, et le Seigneur régnera avec les élus durant 1000 ans. Montanus se fait accompagner de 2 femmes, Priscilla et Maximilla, prophétesses elles aussi. Fin de citation. Ainsi, on voit que les faux prophètes prennent souvent ce qui est bon et édifiant pour les pousser in extremis, là. Il prend des choses bonnes, il les pousse à l'extrême pour les faire détester, les faire abandonner totalement. Ainsi voyons-nous que même un vrai prophète, poussé par un zèle excessif, peut finir par être utilisé par l'ennemi pour faire grand mal à l'Église. Le zèle mal éclairé finit toujours par servir l'ennemi. Alors, c'est pas nouveau de voir des gens qui font des divisions dans l'Église sous prétexte de réforme, là. On en a vu tout au long de l'histoire. On en voit encore aujourd'hui de ces gens qui se croient meilleurs que tout le monde, fonder leur petit groupe de chrétiens meilleurs et plus spirituels que tous les autres. Faites attention aux réformateurs modernes qui veulent vous entraîner dans leurs ailes amères. Ceux qui divisent l'Église affaiblissent son témoignage sur la terre. Ils prennent des doctrines bonnes, mais ils les dénaturent et les exagèrent pour finalement faire plus de mal que de bien avec. Ne devenez pas esclaves des hommes, dit l'Écriture. Ces personnes-là vous détachent de vos églises pour que vous soyez zélés pour eux. Alors ne marchez pas derrière eux, ne marchez pas dans leur sillon. Arrêtez-vous, retournez-vous et allez vous asseoir aux pieds de ceux qui sont vraiment appelés à vous enseigner. Conclusion. Le vrai prophète est un séparateur, mais pas un diviseur. Il sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Il sépare le bien du mal, mais il ne sépare pas les chrétiens de leur Église. Ne vous faites pas leurrer ni manipuler. Amen.